ce que tu soulignes, c'est qu'il peut, il y a une, quand même une différence entre ce qui se passe en sciences humaines et sociales et dans les sciences dures, à propos de l'ANR spécifiquement. Mais bon, la question de la participation des collègues, des universitaires en général à ce qui se passe, il me semble qu'elle est quand même plus complexe. On l'a posée 15 000 fois. Je prends un autre exemple que celui de l'ANR qui engage les labos. Je prends la question des primes qui engagent les personnes. Au niveau des primes, il n'y a pas de pression particulière pour avoir de l'argent pour un laboratoire ou pour une UFR, mais il s'agit bien d'individualiser les comportements, de payer l'acte, comme le disait Jean Fabry il y a un instant. Et les collègues les plus, de mon expérience, les plus révulsés par un ensemble de choses qui peuvent se passer au niveau de l'université, envoient, tranquillement, leur rapport d'activité annuel pour que soit distribué l'argent de l'UFR entre les différents actes, que ce soit la responsabilité d'année, la fabrication de maquettes, tout cela. Et là, si vous voulez, il s'agit quand même, à mon sens, d'une analyse politique individuelle de ses propres actes. Enfin, il faut quand même revenir à l'essentiel. Je voulais juste ajouter une chose. Il me semble que ce dont on parle, la façon dont vous avez posé le débat, il me semble que le problème ou qu'un élément qui serait intéressant de prendre en charge, parce que je crois à la force de l'analyse, peut-être que si nous avions analysé les choses plus en amont, la mobilisation de l'année dernière aurait été plus forte qu'une mobilisation qui entrait progressivement dans la découverte de ce qui se passait. Il me semble que dans l'expression service public, c'est pas le public qui pose problème. On sait plus ou moins bien la différence entre public et privé, mais c'est la notion de service. Et qu'est-ce que c'est que le service dans le service public ? Je crois que ça vaudrait la peine d'expliquer ça. Parce que quand vous constatez que dans un CA, on demande aux élus d'entériner des choses, voire de se former à la gestion, on a précisément un infléchissement, enfin c'est beaucoup plus qu'un infléchissement, c'est un changement de sens de la notion même de service. Enfin, c'est une suggestion, c'est pas l'objet d'une lutte en soi, mais je crois que ça n'est pas clair que ce que signifie service dans service public, en particulier dans l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, ça vaudrait le coup d'être analysé et précisé de manière beaucoup plus forte que ça n'est, en fait.